L'excellent ami. Je suis aimé de tous les hommes. Ils dévorent tous mes écrits et s'en arrachent tous les tomes. Ils me saluent avec des cris, me trouvent charmant, magnanime, joyeux comme un réveil matin. Ils m'ont témoigné tant d'estime que j'ai failli mourir de faim. Maint homme de haute importance me témoigna de l'intérêt, c'est-à-dire qu'à mon sujet il retenait sa médisance. Souvent, il me tendit la main, vanta ma fine intelligence. Bref, il me fit si belle avance que j'ai failli mourir de faim. Une fois vint un millionnaire qui me dit de l'accompagner. Avec lui, je dus promener et visiter la ville entière. Il fit de moi son partenaire, m'envoya deux flacons de vin et m'appela si bien son frère que j'ai failli mourir de faim. Puis vint un enfant d'Israël, banquier, vrai sac d'argent sans doute. Quel est cet homme qui m'écoute? Un bon garçon, un cœur de miel, qui sur sa table voit éclore soupe, viande et poissons du Rhin. Bref, le juif même, et puis encore, j'en ai failli mourir de faim. Vint un prince, on ne sait comment, qui m'appela génie unique. Fit un voyage d'agrément où je fournis main très comique, m'interrogea sur toute chose, par la fleur, habit, genre humain. Bref, le prince m'aima pour cause, mais j'en faillis mourir de faim. Vint un homme tout simple et juste, qui manquait d'honneurs et d'argent, d'ailleurs plein de sens et robuste. Il me dit, sois bien diligent, donnez-moi pour manger et boire, mais comptez peu sur ma mémoire. Moi, je suis cet homme de bien, qu'il devienne un vieux citoyen. Saphir. À propos d'exposition, les Parisiens de toute l'Allemagne n'ont voulu écouter que Monsieur Saphir, le Parisien de Vienne et de Paris. Celui-là, nous l'acceptons, disaient les belles dames, nous n'en voulons pas d'autre. Ainsi, Maître Saphir a régné sur toute la ligne allemande. Il est le seul de sa nation qu'on ait voulu voir. Jules Janin. Est, Est. Au bord du lac Bolsena, sur le Monte Fiascone, se dresse une pierre en cône que de ces mots on orna. Propter nimium est est, dominus mortuus est. Sous ce frêle monument dépourvu de noms qui touchent, gît un seigneur allemand par le cœur et par la bouche qui mourut sa belle mort. Dieu lui garde un heureux sort. Comme il courait l'Italie, il but de si mauvais vin, si léger que, sans folie, on l'eût pris pour eau du Rhin. « Je me meurs, dit-il enfin, page, en avant, je te prie. Entre aux hôtels sans façon et de tout vin fais l'épreuve. » Où tu le trouveras bon, prépare une table neuve, et pour m'indiquer ce nid, écris Est sur le taudis. Le page, par Guilleret, s'arrête à tout cabaret. De chaque vin boit un verre. Si bon, il met pied à terre. Si mauvais, il va plus loin, jusqu'à trouver le bon coin. Il arrive dans la ville qui produit le vin muscat, de tout ce pays fertile, le vin le plus délicat. Quand il a bu tel breuvage, un seul est, c'est bien dommage. Il prend donc un crayon rouge et, sur la porte du bouge, selon le droit du bon vin, il met est-est de sa main. Même, d'après bonne enquête, de trois est il se fit fête. Le seigneur vient, voit et boit, jusqu'à tomber mort et froid. L'hôtelier lui fit l'aumône de la tombe que voilà au bord du lac Bolsena sur le Monte Fiascone. Et son gustateur le page y fit graver son image, sans armes, croix ni chapeau, avec ce trait court mais beau, propter nimium est est, dominus mortuus est. Arrivé sur ce coteau, je me versai ma bouteille et mis une autre au tombeau de mémoire, non pareille, où gît le bon chevalier que l'Est-Est fit prisonnier. Tu dois reposer en paix, âme du bon Mayençais, d'un vin qui trop vous anime, bien malheureuse victime. Double est en force, en éclat, le sang doré du muscat. Tous les ans, à jour fixé, sur main baril défoncé, Tous les buveurs du village vont en pompeux équipage arroser avec ton vin et la pierre et le ravin. Veuille tout bon Allemand qui de l'Estesse tira boire penser à toi ce moment et pour garder ta mémoire t'offrir en noble seigneur le restant de sa liqueur. Ainsi me suis-je empressé. J'ai chanté cette ballade, chanté sur une rasade, mais non au bord du fossé, propter nimium est-est, plus d'un est réduit à zeste. Guillaume Müller. Je ne veux point qu'on me pleure, moi le bout en train des fous. Puissais-je à ma dernière heure voir mes fils plus gais que nous, qui chantent à perdre haleine sur le bord du grand fossé. C'est le jour des morts, mirliton, mirlitaine, requiescant in pace. Béranger. Malgré ce refrain, on peut dire que les chansons françaises sont plus sobres de latin que les allemandes. Hymne de la Mainotte. J'ai nourri sept grands-fils du lait de ma poitrine. À tous j'ai mis en main la longue javeline, le glaive qui défend foi, droit et liberté. Bonheur à moi, de tous plus un seul n'est esclave. Ils sont allés combattre avec joyeux courage. Bonheur, le sang de Sparte anime leur côté. Lorsqu'ils m'ont dit adieu, je n'eus l'âme inquiète. Revenez libre, dis-je, ou détournez la tête. Mère de Maïna, venez voir si nos cris aux ruines de Sparte arrachent leurs débris. Nous prendrons les pavés au fond de la poussière pour en faire l'accueil au détour du chemin. À qui retournerait sans blessure à la main, sans porter de couronne au foyer de sa mère. Guillaume Müller. Les chants grecs sont le monument épique de Müller. Lui qui chantait de si naïves idylles pour l'Allemagne, il a trouvé des odes brûlantes pour la Grèce. Il en a été le Tyrtée. Monsieur Martin.